On a de la chance, il fait beau et pas un nuage à l'horizon. C'est vrai. Tu te souviens, l'année dernière, la pluie, l'orage et le vent, c'était horrible. Beaucoup de musiciens ont arrêté de jouer à 19h. Cette année, c'est bien. On peut fêter le début de l'été comme il faut. Oui, et avec une température idéale. Il ne fait pas trop chaud, ni trop froid.